Chapitre 11e, le nectar des dieux. Vers midi, pendant qu'il dort, Karim est réveillé par sa mère. « Il faut égorger l'agneau, » lui dit-elle. Karim se rappelle alors que c'est le jour de l'Aïd al-Kabir, la grande fête, celle du sacrifice, commémorant le geste d'Abraham, immolant l'agneau en signe d'obéissance à Dieu. Évitant de montrer sa contrariété, il réplique avec tact « Maman, tu sais bien que depuis la première fois dans mon enfance que je vis papa faire ce genre de choses, je n'ai plus supporté de revoir cette scène, encore moins l'accomplir moi-même. C'est toujours mon frère Mehdi qui aidait papa. Puis, une fois ce dernier décédé, Mehdi a continué à faire ce travail. Appelle-le donc. « Aïe, aïe, aïe, mon enfant !» commente la mère tout attendrie. « Pourquoi es-tu si différent des autres hommes ?»« Je n'ai jamais aimé voir couler le sang, ni d'un être humain, ni d'un animal. » Alors pourquoi tu choisis le métier d'infirmier où le sang, tu le vois presque toujours? Pour le protéger, pour empêcher qu'il coule inutilement, affirme Karim. Néanmoins, tu mangeras le méchoui qu'on fera, n'est-ce pas? Pardonne-moi, ma chère maman, mais comme chaque année, je ne pourrai pas. Tu sais bien que depuis désormais longtemps, je ne mange plus de viande, et malgré ce fait, ma santé est meilleure qu'auparavant. Qui t'a mis ces étranges idées dans la tête? Pourquoi ne fais-tu pas comme tout le monde? Suivre nos traditions, celles de nos ancêtres. Maman, réplique le fils avec gentillesse, les traditions, qu'est-ce que c'est? Des choses que nos ancêtres ont inventées un jour opposées à des traditions antérieures, et qui sont devenues par la suite traditionnelles, elles aussi. Alors inventer d'autres aujourd'hui plus adaptées, n'est-ce pas imiter nos ancêtres? Le visage de Karim montre une expression amusée, pour faire ingurgiter la pilule à sa mère. L'effet fonctionne. Elle rit et réplique. Ah, tu sais répondre à tout. « Je vois que tu es intelligent. » Et de cela, ajoute Karim d'un ton plaisant, « je remercie la femme qui m'a donné la vie. » Voyant sa mère tout à fait détendue, il en profite pour ajouter « Dès lors, comment pourrais-je, moi, ôter la vie à un gentil agneau? Allez, téléphone à mon frère pour venir assumer le rôle de sacré sacrificateur. Tu sais bien qu'il aime ça. » Encore une heure après, celui-ci arrive, avec sa typique attitude hautaine accentuée par son corps de taille imposante. Alors, tonne-t-il en s'adressant à Karim. « Toujours peur du sang ?»« Pas peur, » répond gentiment l'interpellé, « puisque je suis infirmier, mais dégoût de le voir couler inutilement. »« Inutilement ?» répète Mehdi, sarcastique. Le futur bourreau éclate d'un rictus plein de suffisance et accuse. « Non, ton motif est autre. J'ignore lequel, mais il est autre. Allez, courage, à vous !» Karim connaît suffisamment son frère aîné pour ne pas contester ses affirmations tranchantes. Il sait combien le complexe d'infériorité qui le tourmente, en matière de culture et d'intelligence, l'incite à dévaloriser quiconque. Karim en éprouve de la compassion pour son frère, sans pouvoir y remédier. Pendant longtemps, Karim espérait pouvoir discuter avec Mehdi pour l'aider à raisonner. Finalement, il a fallu se résigner. On ne change pas un caractère déjà endurci, et surtout affligé de cette ignorance particulière, impossible à éliminer. Celle des personnes convaincues de savoir alors qu'elles ignorent jusqu'à leur ignorance. « Maman, où est le couteau ?» demande Mehdi en jetant un regard plein de morgue vers son frère aîné, destiné à l'humilier. Pour se débarrasser de la présence désagréable de Mehdi, Karim retourne dans sa petite chambre. Il se soulage en ouvrant la fenêtre. Il regarde vers l'extérieur. Ses yeux sont attirés par une scène en bas sur la petite place. Des flaques de sang s'étalent sur la terre, autour d'une dizaine de cadavres de moutons. Karim en est soulevé de répugnance. Il est conscient que c'est là une tradition, mais sa sensibilité et sa raison s'identifient avec les victimes qui en pâtissent. Il comprend que dans une époque archaïque, une pareille pratique puisse sembler acceptable pour manifester une soumission à une divinité. Avec le temps, la raison humaine a accompli des progrès, heureusement. Par conséquent, à sa lumière, certaines traditions devraient être discutées pour être abolies. Dieu, s'interroge Karim, un dieu de bonté et de miséricorde, a-t-il besoin d'un tel nectar de sang innocent pour être honoré? Karim remarque sur la place un homme de forte corpulence. Tenant un long coutelas ensanglanté dans la main droite, il s'approche successivement d'autres moutons encore vivants. Allongés sur le flanc, par terre, les pattes liées, ces êtres vivants s'agitent et bêlent désespérément, démontrant ainsi leur conscience de la tragédie qui les menace. L'homme au coutelas, totalement indifférent à ces angoissants cris de terreur, tranche les gorges, l'une après l'autre, laissant gicler un sang clair qui se répand sur le sol, le transformant en une horrible mare rouge. Karim veut s'éloigner de l'insupportable carnage quand il remarque une toute petite fille, et un tout petit garçon qui s'approche de l'affreux holocauste. Il s'arrête et regarde le massacre avec curiosité, apparemment sans trouble. Aussitôt, Karim se précipite hors de sa chambre. « Où vas-tu ? » lui demande sa mère dans le salon. « Je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas. » Sur la petite place, il arrive en courant et se met entre les moutons égorgés et les deux petits-enfants. « Allez chez vous, ne restez pas ici. » leur enjoint Karim avec douceur. Les deux enfants le regardent sans comprendre. Karim ajoute « Ne regardez pas ça, ce n'est pas pour vous. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. »« Qu'as-tu à leur expliquer ?» lance une voix rude. Karim se retourne vers celui qui vient de poser la question. C'est Omar, le marchand des fruits. Il répète avec une hostilité mal dissimulée « Qu'as-tu à leur expliquer ?» Restant impassible, Karim répond « Qu'ils sont trop jeunes pour assister à ce genre de choses. Au contraire !» conteste l'autre. « C'est depuis le plus jeune âge que les enfants doivent apprendre leur devoir de musulmans, et parmi ceux-ci, accomplir le sacrifice de l'Aïd. » Cependant, objecte Karim, d'un ton conciliant, « Je ne crois pas utile ni bon d'exposer de petits enfants à la vue de l'égorgement et à celle du sang. » L'autre esquisse une espèce de rictus méprisant. « Tu veux faire de nos enfants des femmelettes et des lâches ?»« Convaincre cet ignorant fanatique est impossible, » estime Karim. « Pourtant, je dois éloigner ces petits-enfants de ce traumatisme. » Sans tenir compte de la remarque du marchand de fruits, Karim prend gentiment par la main chacun des deux enfants pour les éloigner. Omar lui lance « Ce ne sont pas tes enfants, alors laisse-les ici !» Que faire devant ce forcené ? Karim hésite. Il regarde les deux gamins. Ils sont étonnés du comportement des deux hommes. Toutefois, les deux petites créatures s'éloignent tranquillement. Karim quitte l'endroit en se dirigeant vers son immeuble. Il est accompagné par des bêlements poignants de moutons. Il ravive chez Karim l'épouvantable image de son père, égorgé par un fanatique. Ce crime, à son tour, lui fait rappeler un très pénible moment. Il se trouvait en voiture avec son neveu et sa nièce. Ils allaient à la mer pour se détendre. Typiquement méditerranéen était le temps. Ciel d'un bleu magnifique, soleil d'une clarté chaleureuse, un air parfumé. Tout émanait la vie, la joie, la splendeur. Durant le parcours, une discussion ordinaire très amicale arriva à cette conclusion inattendue du neveu de Karim. C'est tellement facile d'égorger un être humain. Et il éclata de rire, comme s'il avait parlé d'un moustique. La nièce n'objecta rien. Karim en resta profondément ébranlé. Comment un jeune de 20 ans, tellement sympathique, apparemment si normal, peut-il proférer une telle abominable monstruosité et avec une telle désinvolture ? Où est la cause de cette affreuse folie, horriblement ordinaire ? En revenant de la place où se trouvaient les enfants devant le sacrifice de moutons, Karim rentre chez lui. « Maman, j'ai un rendez-vous. Si je ne reviens pas pour le déjeuner, sois tranquille. Tu ne restes pas pour manger avec nous ? Excuse-moi, j'ai affaire. » Il sort rapidement. Quelques minutes après, il conduit sa petite voiture sur la jolie corniche longeant la mer. La vue de l'étendue bleue et liquide, sous un ciel de la même couleur, aide Karim à rétablir la sérénité dont il a besoin. En fait, il avait menti à sa mère, ou plutôt non. Il avait effectivement un rendez-vous, pas avec une personne, mais avec la mère, ma mère, comme Karim aime l'appeler. Il apprécie l'homophonie du mot entre ce cadeau de la nature et la personne que Karim chérit le plus au monde, sa mère. Pour Karim, la mer liquide est une amie, et quelle amie ! Toujours disponible, à moins de tempête. Contrairement à la mer biologique de Karim, la mer constituée d'eau ne le critique jamais, ne tente jamais de le contraindre à se plier à des préjugés sociaux. Elle se contente simplement de lui tenir compagnie, de le détendre, de l'aider à réfléchir de manière autonome et calme. Pour Karim, la mer a toujours été et demeure l'amie très chérie des personnes libres, ou aspirant à le devenir, même au prix d'y être ensevelie, pour servir de nourriture aux poissons, contribuant ainsi à la perpétuation de la vie. Quelle chance, quel bonheur de l'avoir toute proche, a souvent pensé Karim. Il sait combien elle le purifie de la cruelle folie humaine. Et dire, observe-t-il, que certains conçoivent la mer uniquement comme évasion touristique. Quelle ignorance ! Après avoir parcouru une 30aine de kilomètres, Karim arrive dans la petite localité côtière de Clairefontaine. Béni soit celui qu'il a ainsi nommé, pensa-t-il un jour. Il stationne son véhicule dans une ruelle. Quelques secondes après, Karim est assis sur le sable chaud de la plage. Il est bercé par une douce brise venant du large. Il respire le velouté parfum de l'air marin en promenant ses yeux sur les splendides vagues. Régulières, calmes, dansantes, elles courent et se chevauchent les unes sur les autres, lançant leurs écumes blanchâtres, jusqu'à s'étaler sur le sable où elles disparaissent lentement. Pour Karim, elles sont les bénéfiques et bénévoles lessiveuses de son esprit, quand il est troublé par ce qu'il nomme un inconvénient de l'existence.